Yeah, mission. Freshka à la prod. Sky au mic, papi. Yeah. Ha, mission en progression. But ultime, partager une vision. Dimension, internation. Anti-maçon, style, information. Mission en progression. But ultime, partager une vision. Dimension, internation. Anti-maçon, style, information. J'en ai vu passer des cons, souvent les seuls à repasser. Puisque les bons en général sont cassés, mais passons. Les rimes riches pour un autre jour. Disons que pour le moment, je navigue entre folie et dérision. Flippé par ce qui m'entoure, en hommage à tous ces petits jeunes paumés. Au pied des tours, j'ai châtié mon discours, des conseils, souvent la discorde. La haine apporte la haine, mais trop de haine déclenche le game. À trop l'attendre, pète la corde. À trop l'attendre, se pointe la mort. À ne plus l'entendre, se fane l'amour. À plus comprendre, on devient sourd. Bref, tout ça pour dire que quand le triple 6 frappe, mec, mieux vaut que tu cours. Tout est question d'analyse, soit tu réfléchis, soit tu joues l'analèse. Faut dire que pour nous divertir, ils sont balèzes. Mission en progression, but ultime, partager une vision. Dimension, internation, anti-maçonnique, style, information. Mission en progression, but ultime, partager une vision. Dimension, internation, anti-maçonnique, style, information. Ta pseudo-parano est bon signe, c'est que t'as aperçu les leurs. Déambule dans leur bulle, fière allure, aliénée du cœur. À l'inverse de leur stéréotype alien, dans ma stéréotype, y'a de la place pour toi et tous les tiens. Prêche et casse ces liens qui te retiennent à ce système maléfique. Car et oui, mal et fric, tu n'épargnes, cotise, rentabilise, puis immobilise. Devient ta devise, l'unité se contient dans le nombre. Apprends, comprends sans les choses, et tu referas le monde. Au moins une petite parcelle que tu sauveras des décombres. C'est pas grand chose, mais toujours mieux de cautionner les bombes. Mission en progression, but ultime, partager une vision. Dimension, internation, anti-maçonnique, style, information. Mission en progression, but ultime, partager une vision. Dimension, internation, anti-maçonnique, style, information. Y'a liberté, liberté à ne pas confondre. Y'a les mauvais, les bons, les mauvais en plus grand nombre. Car souvent l'homme est con, être stupide c'est comme être fou. Quand on est vraiment, on sait jamais qu'il s'agit de nous. Dénués de sens, on confond vivre libre et blasphème. On s'auto-mutile et les fonds blas aiment. Iblis souffle à gauche et c'est ces graines que tu sèmes. Que tu sèmes ma mère. Mission en progression, but ultime, partager une vision. Dimension, internation, anti-maçonnique, style, information. Mission en progression, but ultime, partager une vision. Dimension, internation, anti-maçonnique, style, information. Mission en progression, but ultime, partager une vision. Dimension, internation, anti-maçonnique, style, information. Mission en progression, but ultime, partager une vision. Dimension, internation, anti-maçonnique, style, information. Yeah. 2010, c'est Freshka à la prod. Sky on mic, papi, mélo, mélo, mélodie. Ma voix est zone, ça fait pas de pli, hein. Yeah, yeah. Beatmaker and Co. Yeah, huh.